inspiré par le merveilleux poème de Heinrich Heine et mis en musique par Robert Schumann. Ce devait être au siècle dernier, mais la mémoire est parfois tellement volatile. Il n'était jamais allé en Corse. Il s'y rendit pour y tenir une masterclass à l'invitation des affaires culturelles. Il se souvient des visites qu'on lui fit faire, découvrant des paysages insoupçonnés. Il se souvient d'épisodes émouvants qu'il surprirent. Elle marche le long de la plage et sa voix la suit à la trace. Elle s'enroule autour de ses pas, entrave sa démarche. Le sable qui crisse lui rappelle les jours heureux. Ce merveilleux mois de mai qu'il aimait tant lui chanter. Im wunderschönen Monat Mai. Aujourd'hui, la mer est sans vagues et les mots qu'il lui a écrits restent à la surface de l'eau. Comme l'a écrit Euripide, la mer lave les mots de tous les hommes. Et les mots, qu'en est-il des mots? Ceux qu'il lui écrivait, ceux qu'il lui disait, qu'elle répétait tous les soirs, pendant qu'elle enduisait son corps d'huile parfumée comme il le lui avait appris. Chacun de ses effluves ambrés, fleuris, boisés, lui parlait de lui. Et elle s'endormait dans les bras de son absence. Le matin, le réveil l'extirpait des rêves habités par lui. Rêves qui, souvent, avaient laissé des traces sur ses draps, sur ses doigts qu'elle humait douloureusement. Im wunderschönen Monat Mai. Janvier, c'était mai. C'était mai. Et février et mars, avril, juin, juillet, août et septembre, tous les mois de l'année étaient mai. Le temps, ce merveilleux antalgique, pense les plaisirs les plus profondes. Fragile, surprenante, paradoxale, sentimentale, enfantine, dévergondée. Elle est arrivée dans sa vie avec la grâce à durée déterminée d'une parenthèse. Il l'appelait sa petite pute d'amour. Il interrompit le fil de ses pensées et en chassa un souvenir bleu nuit. Poursuivit ses digressions mentales du matin aussi vives qu'une bagatelle. Aujourd'hui, elle repense qu'elle désirait tant devenir sa petite salope 5 étoiles luxe. Elle le saurait rester le temps d'un amour. Quelques jours plus tard, quelques désirs plus tard, l'année dernière ou c'est l'avenir, ils se quitteront sans bruit. Et la parenthèse de cette histoire érotico-sentimentale se refermera aussi vite qu'elle s'est ouverte, enchâssée et vaine au milieu des souvenirs. Le tour de l'île, le tour d'île et d'elle. Les îles sanguinaires, perpétuellement frappées par la mer en colère. Fleur de soie sur la peau de l'eau verte. Les vagues ont la chair de poule. Des bulles de crépuscule éclatent sur la mer comme des secrets avortés. C'était donc à elle, à cette femme timide et un peu gauche, aux gestes d'oiseaux blessés, aux yeux de biche effarée, qu'il avait dit « Vous êtes l'absolu féminin. J'aime votre retenue et l'exquise expression de la pudeur troublée. » Des flocons de désir s'envolent d'elle à lui, autour d'eux et du silence, elle, lui et le silence, lui à l'intérieur de son silence. Son désir de lui en équilibre instable entre l'ombre et la lumière, rythme les pas qui la conduisent vers lui, jusqu'au bord du précipice, puis l'éloigne de lui pour éviter la chute. Ils s'étaient sans doute aimés, désirés, détestés, séparés, retrouvés, éloignés. Seuls, ensemble, ils partageaient les mêmes doutes. Leurs corps vibraient en cœur. Leurs yeux se détournaient ensemble quand les couleurs trop criardes du monde alentour les blessaient. Leurs oreilles se bouchaient ensemble quand les bruits trop assourdissants les empêchaient d'entendre. Irisés étaient vos yeux, mon amour, et pleins de doutes. Voyez-vous, même mort, êtes-vous mort? Je sais que vous me voyez, m'entendez, m'écoutez. Les nuages blancs et vaporeux qui s'échappent de la montagne, c'est votre âme, mon amour, en partance vers le ciel. La toile émerie de votre barbe mal rasée irritait ma joue comme au premier jour de notre première étreinte. Vous êtes venu vers moi, racine nue, comme ces plants de rosier que je venais d'acheter. Vous, le déraciné, moi, l'insolaire, je suis venu vers vous, le cœur dénudé, l'âme offerte. Vous me fixiez avec une attention à la fois aiguë et détachée, tout autour de nous. Une escouade de sons se distendait et se resserrait en une étrange chorégraphie. La distance de nos âges nous rapprochait l'un de l'autre et la proximité de nos refus nous éloignait simultanément. Les grandes bulles rendent compte du déplacement d'air à grande échelle, alors que les vagues et les tourbillons à la surface d'une bulle traduisent un frémissement local. Pour le 1er mai, il lui avait écrit « C'est l'année ou jamais ». Que chaque clochette te donne un sourire et plein de bonheur. Une sirène de bateau retentit dans le lointain et, de sa fenêtre, elle voit le paquebot quitter le port. Mais elle ne peut occulter la vision qu'elle eut lorsqu'il arriva, le premier jour, jusqu'au dernier jour. Vos yeux cirulés, mon bel ami que j'aimais tant, quand il me regardait m'habiller, me déshabiller. Votre sourire en suspens, mon émotion indicible, lorsque je fus nu devant vous et que j'entrepris de vous déshabiller à mon tour, émue, passionnée, tremblante, découvrant vos senteurs, me frottant à vos poils, ressentant un vertige lorsque j'ai saisi timidement votre sexe, alors même que je ne vous avais pas enlevé votre slip. Il se rappelle, malgré les ans, combien cette île lui parut sauvage. Elle se souvient, malgré les peines, combien elle aima lui montrer son île. Emportée par le déferlement des vagues et les courants marins, les mots restent un court instant à la surface de ses pensées, puis, telles les bulles d'un film très mince, allaient séparer de l'atmosphère et des gouttes le long de la frêle paroi de ses souvenirs. Sous ses boucles très brunes, un peu folles, aussi folles que l'était sa toison, son cerveau, tout en circonvolution, dévide les fautes de toutes ces années de brouille et d'embrouille, de bruits et d'éclats, de fureur et de déchirure, d'opposition, d'incompréhension. Le soleil découpe des tranches de vie sur la montagne, l'écume aux commissures des rêves, les vagues attendent le soir, dans un délire de poutre aux yeux. De leurs voix éraillées aux accents dramatiques, elles racontent leurs faits et gestes de mythomanes. Conf- fasse des vagues ou qu'on fasse des bulles. En définitive, qu'en reste-t-il? Le saxophone de Paul Desmond se perd dans un brouhaha d'ondes. Elle coupe le son et plonge dans ses pensées, se rappelant mille émotions découvertes grâce à lui. Que restera-t-il de tout cela? De fines gouttelettes de pluie glissent sur son front, pendant que d'infimes frissons parcourent la surface de sa peau. La soirée sera fraîche, bien qu'elle soit brûlante. C'est l'année ou jamais, c'est l'année de tous les possibles. Ce fut celle de toutes les erreurs. Des moutons jaunes d'or se mêlent aux poussières et aux pollens. Des lauriers roses rosissent de bonheur juste en dessous des nuages floconneux. Hiatus des non-dits, comme si elle était assise à ses côtés, elle pleure sans larmes. Murée dans son silence de mandragore et ses rêves arachnéens. Un sourire évanescent illumine son visage mélancolique. La silhouette biscornue et saillante d'un nuage romantique se profile à l'horizon. La végétation échevelée bruisse au rythme du vent. Elle se rappelle cet après-midi, perdue sur les hauteurs de Corte. Alors qu'elle venait juste de le retrouver. Elle se rappelle douloureusement ce qu'elle avait voulu lui écrire, ce qu'elle avait écrit. Lettre morte, rangée au fond d'un tiroir de sa mémoire. Il me faut un petit bout d'océan pour l'autre partie de moi qui s'assèche depuis mon dernier cri. Il me faut un petit bout de terre pour l'autre partie de moi qui pleure depuis ma dernière jouissance. Il me faut juste un petit bout de pur et un grand bout d'impur pour redonner de mes deux mains une chance au monde de demain. Nuages roses et bleus dans le crépuscule rose et bleu, dorés à leur fin par les rayons du soleil, les vieilles bâtisses clignent des yeux, et la citadelle darde son œil de cyclope sur l'horizon mobile. La retenue est imprimée dans chacun de ses gestes, et la douleur gravée sur son visage. Vestige de fleurs bleues dans ses expressions, comique de cette timidité dans l'arc réflexe de ses sourcils. On dirait comme un rêve qui viendrait de mes entrailles, une poussée d'espoir qui se rajouterait à quelques gris si peu de noir. Il lui faut une lumière pour ajouter des ombres sur les noirs. Au mur de la peine, comme une impression que la peine est un petit espace entouré de murs si intenses. Vous la connaissez, cette peine? Sans être en peine dans cet instant, car elle n'a pas de raison de l'être, mais il se fait que la peine existe et qu'il faut quelquefois prendre la peine de l'étaler, comme on étale le brillant qui depuis longtemps n'a plus de réelles étincelles. On est dans la peine, souvent, trop souvent pour certains. Je parle de ces peines que les uns et les autres, par moments, dans nos vies, étalons avec pudeur. Dommage. Par pudeur, nous nous taisons de peur d'offusquer ou de paraître ridicules.